M-Y, Michael, R2F. Parce que dans la vie tu penses avoir le choix, mais ce n'est qu'une illusion. Je suis sûrement pas devenu celui que je rêvais d'être. Je me mens et je trouve des prétextes. On me dit d'arrêter le rap, mais c'est ce que je préfère. Je suis à côté de la plaque, vu tout ce que je délaisse. Je suis à l'ancienne comme LS. Je suis foutu pour de bon, faut-il que je touche le fond pour que je m'élève. Gin, whisky ou belles. Quand je suis foncé, je mélange tout. Je savoure la vie, je la délecte. Mais ce monde est tellement fou, il faut que j'accélère. Faut pas que je régresse, je dois rester dans le coup. Mais tout ça me vénère. Faut que je m'élève, j'en ai marre d'être en dessous. Je pétale bénef. Faut se mettre à l'aise, qu'on pèse comme Bétancourt. Mais je suis pas célèbre. Je mets pas les steaks, j'avance en restant cool. Je m'accroche à mes rêves. Je grave des terres, mais je peux rien faire sans vous. Big up à ceux qui écoute nos textes en boucle, sachez que ça fait plaisir. Je mâche pas mes mots, je crache des 16 bars. On parle et ça me déstresse. Je le fais sûrement par détresse ou par désespoir. Quand je vois ce qui marche, ça me dépêche. Je crois du noir et je crame des bêtes. Mais sans les frères, le rap, les scènes, en vrai, il me reste quoi. Je suis pas souvent triste, mais je m'exprime en abondance. Pour m'enfuir, j'évite le rap conscient. La vie révèle un tas de non-sens, parfois en voulant dire. Je t'aime, on dit je te déteste, souvent pour nous mentir. Puis on perd la confiance, et après tout s'empire. On aime ses proches, on fait le message, moi je suis toujours sensible. Est-ce que les gens concernés le savent, jouent un parcours sans risque. On fait ses armes, les coups dans le vide sont détestables. Je compte gérer ça, même quand les doutes s'empilent. Ouais, je monte des étages et mon esprit gamberge. Donc on écrit tant de textes, et dis-toi que ma passion est gigantesque. C'est pas évident l'art, mais on maîtrise quand même. Je suis pas MC en herbe, après la mise en garde. Y'aura pas de mise en scène, pour viser fond et fort. Dans ce rap, je suis en tête. En vrai, je vise l'entraide, l'argent, je m'en tape. Je fais pas ça pour la clientèle. Pourtant, quand je tâche des rimes, c'est pas accidentel. Je trouve ça terrible, en vérité, la prod m'a pris en traître. À la recherche de l'illusion, je fais de ma vie un rêve sans fin. On pense qu'à croquer la vie pendant que certains crèvent de faim sans faire de moralité. Moi, j'ai le moral dans les baskets. 28 piges, un tas de soucis, c'est la grisaille sur ma casquette. Casse-tête à ceux qui me portent l'œil, la thune me met en porte-à-faux. À part ma fille, rien n'a de valeur, j'ai la misère comme portefeuille. On porte nos épaules, le poids de nos erreurs commises. Tes pecs, c'est du béton, mais tu sens d'avoir le cœur solide. Ma mère m'a dit, t'es le roi du vice, fils. Et que veux-tu, n'en crois pas que la vie reste in peace. J'ai des poignées en guise d'amour que tu kèves t'as dans l'abdomen. Manier les mots, c'est mon domaine. Mais je ferai pas de plan sur la comète, non. Je gaspille mon temps, les aiguilles tournent à la vitesse grand V. Pourquoi se précipiter quand tu sais que plan B rime avec planté. Moi tout ce que je veux c'est profiter de l'instant T. Quitte à y laisser des plumes, je lève un verre à ma santé. Tout est noyé dans une espèce de gros brouillard confus. Ça crée une image floue mais pas trop. L'illusion du choix. La moitié des gens ne savent même pas choisir leur bouquet télé. Leur compagnie de gaz, d'électricité. L'eau qu'ils boivent ou leur assurance médicale. Et ça changerait quoi, même si c'était le cas? Si la vie se résume à des choix merdiques, si c'est bonnet blanc et blanc bonnet, alors quelle putain de différence ça fait?